gamine brûle un feu caché. Chaque pixel devient péché. Vos regards glissent ardents, légers. Chaque souffle me fait trembler. Raïdes qui murmure dans vos veines. Sa voix grave attise vos chaînes. Il tend le feu, il guide vos corps. Chaque désir s'élève plus fort. Oh. Feel the fire, taste the flame. Whisper slowly, call the game. Through the shadows, hearts ignite. Brightest skill connects the night. Born of passion, carved in sound. Every whisper pulls us down. Skill eternal, and our voices shake the ground. Les vieux crient sans faire un son. Chaque murmure devient passion. S'élance, vos yeux s'embrassent. Chaque frisson consume en masse. Rider skill trace le chemin ardent. Savoir au que contrôle le temps. Entre le feu et vos soupirs. Chaque mot devient désir. Nos voix s'élancent, nos corps s'enflamment. Chaque vie brèche consume nos âmes. Sous la baisse, la fière s'élève. Chaque connexion devient très vive. Feel the fire, taste the flame. Whisper slowly, call the game. Through the shadows. Skill eternal, and our voices shake the ground. Vos souffles glissent, vos cris s'allongent. Chaque mot brûle, chaque ombre fond. Le gaming danse, il vous enlève. Chaque désir laisse une trace. Rider skill parle, vos cœurs s'inclinent. Sa voix brute attise vos lignes. Entre vos yeux, la flamme s'écrit. Chaque murmure nourrit la nuit. Feel the fire, taste the flame. Whisper slowly, call the game. Through the shadows, hearts ignite. Rider skill connects the night. Every whisper pulls us down. We are at a skill eternal, and our voices shake the ground. Dans vos souffles, je me perds encore. Chaque vibration m'appelle plus fort. Le gaming brûle dans vos veines. Un chant sensuel, une douce chaîne. Viewers, gamers, Rider skills.